novembre, une étude mettait en lumière chez la souris un mécanisme cérébral inédit qui pourrait expliquer l'anorexie avec, à terme, la possibilité, si cela se confirme bien sûr, d'en tirer un traitement qui permettrait de lutter efficacement contre ce trouble du comportement alimentaire. Ce n'est pour le moment qu'une hypothèse qui demande bien sûr donc à être confirmée, mais qui met en regard deux pans de la recherche fondamentale et la recherche clinique, pour lutter contre cette pathologie complexe, polyfactorielle, qui dépend autant de facteurs génétiques, psychologiques, environnementaux, familiaux et socioculturels, et qui touche jusqu'à 4% de la population, principalement des femmes. Anorexie, une maladie sans fin, c'est le programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer l'état de nos connaissances sur cette maladie qu'est l'anorexie mentale et les différentes pistes de recherche en cours pour tâcher de mieux la prendre en charge et de la guérir, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Philibert Durier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, chef de clinique à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale à l'hôpital Sainte-Anne et chercheur au sein de l'équipe INSERM Vulnérabilité génétique aux comportements addictifs. Et nous sommes en ligne depuis le Québec avec Salah El-Mestikaoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, professeur à l'université McGill de Montréal et chercheur au centre de recherche de l'hôpital Douglas. Mais on commence comme tous les lundis par un point sur l'actualité scientifique du week-end avec Natacha Criou et le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec l'événement scientifique du week-end, mission réussie pour la sonde Hayabusa 2 qui vient de rapporter des échantillons d'un astéroïde sur Terre. Oui, après 6 ans de voyage et plus de 300 millions de kilomètres parcourus, la sonde japonaise a délivré son précieux butin qui atterrit dans la nuit de samedi à dimanche en Australie. La JAXA, l'agence spatiale japonaise, a récupéré la capsule d'échantillonnage et ses quelques centaines de milligrammes de l'astéroïde Ryugu. Alors lancée en 2014, la sonde a recueilli à la fois de la poussière de surface et de la roche vierge sous la surface grâce à un impacteur et une petite charge d'explosif. Ces échantillons sont des reliques du système solaire primitif. On sait que les roches de Ryugu sont poreuses et fragiles, donc sans cette capsule d'échantillonnage, le météore se serait désintégré dans notre atmosphère terrestre et nous n'aurions jamais eu la chance de pouvoir l'étudier. Alors, est-ce que ces échantillons contiennent de la matière organique? En tout cas, ils vont nous aider à mieux comprendre la formation de l'univers et l'origine de la vie. Et pour Hayabusa 2, l'aventure n'est pas finie. La sonde repart pour 10 ans d'exploration spatiale. Elle se dirige vers 2 autres astéroïdes pour 2026 et 2031. Et voilà, on va évidemment guetter avec beaucoup d'intérêt et de curiosité les résultats de ces analyses de l'astéroïde Ryugu. Et puis comme toujours, vous pouvez retrouver les liens vers les études ou des photographies, bref, tous les documents complémentaires nécessaires sur notre fil Twitter @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans le New England Journal of Medicine, le vaccin contre le Covid-19 de Moderna crée une immunité pendant au moins 3 mois. Ouais, le vaccin ARM du laboratoire américain crée bien des anticorps puissants. Les 34 participants de cette étude sur essais cliniques de phase 1 ont reçu les 2 doses de vaccin. 43 jours après la première vaccination, les cellules immunitaires sont apparues dans les examens sanguins. Même après 3 mois, leur sang contenait toujours des anticorps neutralisants dans tous les groupes d'âge, y compris chez les plus âgés. Le vaccin a également déclenché la réponse d'un certain type de lymphocytes T. Néanmoins, d'autres études à plus long terme sont nécessaires pour savoir combien de temps dure cette protection. Selon une étude parue dans Chinese Journal of Aeronautics, une équipe chinoise a développé un nouveau moteur à propulsion hypersonique hyper puissant. Oui, selon les chercheurs, avec ce nouveau moteur, on peut atteindre le Mach 16, c'est-à-dire 19 000 km/h. À cette vitesse, vous pouvez vous rendre en avion partout dans le monde en seulement 2 heures. Alors pour cela, l'équipe a perfectionné le procédé de statoréacteur. Ce prototype chinois est baptisé Sodramjet. Il a été testé en soufflerie, il est stable à des vitesses hypersoniques, mais il faudra attendre encore de nombreux tests avant de voir son exploitation commerciale. Et enfin, une étude parue dans Nature Communications décrit une architecture structures cellulaires surprenantes et inattendues cachées dans des cellules végétales. Oui, des chercheurs américains s'intéressaient à l'un des organites d'une plante, le peroxysome. Ce microscopique organe cellulaire ne mesure que 0,1 micromètre et joue un rôle clé dans la synthèse des molécules. On pensait jusqu'à présent qu'il était limité par une simple membrane. La structure de cet organite est en réalité beaucoup plus complexe. Les chercheurs ont identifié des vésicules. En plus de la membrane que nous connaissons, il y a également d'autres membranes à l'intérieur. Des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre leur fonction exacte et pour vérifier si les vésicules de peroxysome existent aussi dans les cellules humaines. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. L'anorexie mentale a été perçue tantôt comme un strict problème psychiatrique, puis comme un problème hormonal, puis comme une maladie génétique, puis socio-comportementale. Or, les médecins s'accordent à dire aujourd'hui qu'elle est certainement tout cela à la fois et peut-être même plus, ce qui rend évidemment sa prise en charge et sa guérison si complexe, notamment pour les cas les plus sévères. Et ce qui explique peut-être aussi le fait que la recherche clinique et la recherche fondamentale ont longtemps avancé en ordre dispersé, ou tout du moins ont abordé cette pathologie par des angles assez différents. C'est pour cela que cette étude, publiée début novembre sur des modèles murins et déclinables en recherche clinique, représente un signe fort et un pas important en liant ces deux aspects de la recherche. Pour bien comprendre l'évolution de la façon dont on considère cette maladie qui touche, je le rappelle, essentiellement des femmes jeunes, je vous propose d'écouter cette archive. Nous sommes en 1961, dans l'heure de la culture française. À cet âge, chez la fille, on observe souvent des préoccupations alimentaires. Certaines jeunes filles sont à l'égard de la nourriture une attitude qui reflète leurs préoccupations féminines. Elles ont peur de grossir et se mettent au régime. Ces régimes sont très variés, souvent déséquilibrés. Ces pseudo-régimes, souvent dictés par des lectures de journaux de mode, ne durent d'ailleurs que quelques jours ou quelques semaines. Mais certaines jeunes filles, qui ont des problèmes psychologiques profonds, commencent à l'adolescence à restreindre leur alimentation. Elles se privent d'abord de choses sucrées, de desserts, puis suppriment les aliments qu'elles considèrent comme engraissants, comme les pommes de terre, les pâtes, et finalement elles arrivent à réduire leur nourriture de façon considérable. Après quelques semaines ou quelques mois, l'alimentation devient impossible, et ces jeunes filles présentent le phénomène qu'on appelle l'anorexie mentale. Elles ont un appétit très restreint, elles maigrissent très rapidement, toute leur croissance s'arrête, leur flux menstruel cesse, et lorsqu'on les conduit chez le médecin, elles ont souvent maigri de 8 à 10 kilos. Dès qu'on voit ces malades, on peut faire le diagnostic d'anorexie mentale, tant elles se ressemblent toutes. La face amaigrie, les pommettes saillantes, l'aspect vieillot, elles ont le regard à la fois anxieux et fixe. Contrastant avec cet aspect de grandes malades cachectiques, elles ont l'air présent et elles déploient une sorte d'hyperactivité fébrile qui est souvent irritante pour l'entourage. Voilà la définition que donnait cette animatrice de l'anorexie mentale en 1961 dans l'heure de la culture française. Une réaction peut-être l'un et l'autre à cette définition de 1961. Est-ce qu'elle est encore d'actualité, Philibert Durier ? Alors elle est clairement partiellement d'actualité. Il y a évidemment des éléments qui n'ont pas changé par rapport à la description qu'on pouvait en faire dans les années 60. On entend l'hyperactivité, une forme de déni. Après évidemment il y a quand même beaucoup de variations de présentation des formes. Par exemple les pertes de 8 à 10 kilos en moyenne. Évidemment nous on voit des patients qui perdent 20 à 25 kilos depuis le mois de mars-avril, par exemple depuis le premier confinement dans les patients qui nous sollicitent actuellement. Après la présentation de l'effet de mode, de l'impact de l'image d'une femme maigre, évidemment ça c'est quelque chose qui a un poids considérable dans le développement des troubles, mais on ne peut pas réduire toutes les formes d'anorexie mentale à cela. La meilleure preuve, c'est que les troubles alimentaires et l'anorexie mentale s'est développée dans d'autres cultures et à d'autres époques où l'image de la femme n'était pas celle-ci. Donc il y a quand même des points à discuter qu'on pourrait discuter sur cette définition de l'anorexie. Salah El-Mestikaoui, votre réaction à cette archive ? Oui, moi il y a plusieurs aspects qui m'interpellent. Le premier, c'est le fait que ce démarrage de la maladie qui est décrit là dans le reportage, et je pense que c'est encore d'actualité, ça commence par une recherche de récompense. Ah, tu as minci, t'es jolie, donc c'est la première marche. Après, le deuxième aspect que la personne qui est interviewée souligne bien, c'est il y a Ensuite, ça va dépendre du terrain. C'est-à-dire, on a tous entendu des phrases « Ah, t'as pris du poids, c'est pas bien. Ah, t'as perdu du poids, c'est bien. » On n'est pas tous devenus anorexiques pour autant. Donc, il y a une inégalité devant cette maladie. Et c'est ce que les progrès récents ont permis de mettre en évidence. Philibert Durrier, vous évoquiez le mois de mars, vous évoquiez cette année. Le confinement, on le sait, on en parlait d'ailleurs à ce micro la semaine dernière, a des répercussions sur la santé mentale des gens, et pas que des Françaises et des Français d'ailleurs, de toutes les personnes qui se retrouvent en situation de confinement. Est-ce que vous avez pu constater justement en clinique bien une aggravation des problèmes liés à l'anorexie mentale et au confinement? C'est clair, il y a deux grands aspects. Évidemment, en population générale, une augmentation assez importante des symptômes liés à des formes de dépression plus ou moins sévères et à l'anxiété qui a impacté puis des rythmes aussi, l'organisation du quotidien, le rythme du travail, les rythmes familiaux qui ont impacté les comportements alimentaires. Après, de savoir si cela a eu un impact sur la prévalence, la fréquence des maladies comme l'anorexie mentale, c'est encore trop tôt pour le dire. Par contre, du côté de nos patients qui souffraient déjà, alors parfois pris en charge, parfois pas pris en charge, c'est clair qu'ils ont été fortement déstabilisés par le premier confinement là en mars-avril, avec des évolutions assez variables, des modifications de leur symptomatologie assez importantes, l'apparition de crises de boulimie chez quelqu'un qui avait une forme restrictive, des modifications imposées par l'environnement sur l'activité physique compulsive, la fermeture par exemple des salles de sport. Oui. Ça a été très sollicitant pour nos patients. Et après, pour certains patients, ça a été l'occasion d'entrer dans les soins et d'évoluer favorablement. Et après, probablement que ce qui se passe en ce moment et ce qui se passe ces dernières semaines est un peu différent. Et on a quand même l'impression d'avoir une recrudescence des demandes. Demande qui est déjà élevée de base, mais une recrudescence des demandes avec des patients qui ont décompensé des troubles en début d'année, dans le contexte sanitaire, et qui arrivent aux soins maintenant, avec des tableaux parfois très préoccupants chez des jeunes femmes. Peut-être un commentaire là-dessus également, Salah Estikaoui, sur le lien entre confinement et l'aggravation de l'état de certaines patientes. On va parler au féminin, même si on pourra évoquer rapidement tout à l'heure les cas d'anorexie masculine, mais c'est quand même des cas la majorité écrasante de cas d'anorexie mentale sont des cas féminins. Oui, c'est évident que la façon dont a surgi la crise du Covid, ça a été assez brutal. Hein. Ça date pratiquement, ça s'est fait en une journée, hein, le 13 mars. Boum, on part en confinement quelques semaines avant pour se préparer à l'information. Donc là, c'est quelque chose qui dans nos sociétés, qui sont des sociétés très stables et relativement protégeante, même si c'est pas facile pour tout le monde, mais quand même par rapport à d'autres périodes historiques, on a des vies plus faciles et plus protégées. Donc tout à coup surgit un facteur extrêmement stressant. C'est évident que ça va aggraver l'état de beaucoup de personnes qui ont pas forcément des malades, mais des gens souffrant de maladies mentales. Et vous verrez quand on parlera des modèles animaux que le stress est un facteur qui déclenche chez nos animaux les problèmes de troubles de comportement alimentaire. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h13, nous parlons d'anorexie mentale tout au long de cette heure en compagnie de Philibert Durrier et de Salah El-Mestikaoui. Peut-être qu'on peut redire simplement, parce que même si le mot paraît familier comme ça, de quoi parle-t-on exactement, Philibert Durrier, quand on parle d'anorexie mentale? Alors, c'est une maladie qui s'intègre dans un trouble plus général qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire. C'est une maladie qui est sévère, qui touche principalement les femmes à un âge jeune, donc en priorité à l'adolescence et jeune adulte, avec une prévalence qui est entre 1 et 3% en fonction des critères qu'on se donne et qui associe trois principaux critères en diagnostic, qui est évidemment le poids bas, la dénutrition, avec toutes les complications que cela peut entraîner, une peur intense de prendre du poids ou un comportement répété qui va freiner la prise de poids, et puis une préoccupation excessive sur l'image corporelle, le poids, avec un caractère très obsessionnel et des impacts majeurs fonctionnel, c'est-à-dire sur la capacité à mener ses projets, sa vie d'adolescente, ses études, son travail, etc. Vous disiez l'épidémiologie, la prévalence entre 1 et 3%. Moi, j'avais lu jusqu'à 4% de la population française. Ouais, ça dépend. Alors, si vous voulez, on peut trouver des études, c'est 0,9%. Ça monte jusqu'à 4%. Ça dépend des critères. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de formes subsyndromiques, c'est-à-dire qui remplissent pas totalement les critères en fonction de là où on se positionne. On manque d'études épidémiologiques de qualité. Puis, il y a un élément important dans l'anorexie mentale, c'est qu'il y a une altération de ce qu'on appelle l'insight, c'est-à-dire la reconnaissance du trouble. Donc, c'est pas si facile d'obtenir de quelqu'un qui est en situation peut-être apparente de souffrance ou pour l'entourage de souffrance, ce diagnostic-là. Donc, ils ne viennent pas forcément aux soins. Les patients ne se plaignent pas forcément, en tout cas au début de la maladie. Et ça rend plus difficile d'apprécier vraiment la prévalence exacte. En tout cas, c'est sûr qu'on oscille entre 1 et probablement jusqu'à 4%. C'est assez difficile hein, comme, d'arrêter des chiffres précis. Vous dites qu'aujourd'hui, l'anorexie est encore sous-diagnostiquée ? Probablement, on a un certain nombre de patients qui arrivent en tout cas très tardivement aux soins. Et on est à l'hôpital Sainte-Anne, à la CMME, à la clinique des maladies mentales et d'encéphale, on prend en charge les patients sans limite supérieure d'âge. Et on a régulièrement des patients qui arrivent à 40, 50, voire plus, et qui n'ont jamais été pris en charge, n'ont jamais reçu de diagnostic, d'information sur les soins et sur les complications, etc. Et donc, il y a un retard de prise en charge qui est très important. Et puis, il y a un certain nombre de patients qui, malheureusement, n'arrivent jamais dans nos services de soins, parce que c'est une pathologie potentiellement sévère. On estime la mortalité autour de 10%. Pour des sujets jeunes, c'est assez dramatique. C'est des chiffres qui sont très élevés et probablement des patients n'arrivent pas aux soins tout simplement parce qu'ils décèdent des complications. J'ai lu également que donc c'est évidemment plutôt des jeunes femmes à l'adolescence qui déclarent cette anorexie mentale et que vous trouvez de plus en plus tôt des cas de plus en plus jeunes, c'est-à-dire des cas d'anorexie qui peuvent commencer dès l'âge de 8 ans. Tout à fait, on parle de l'anorexie chez l'enfant, l'anorexie prépubère, donc avant l'apparition des manifestations pubertaires. Et il y a un service hein, à Paris qui s'occupe, à Robert Debray, qui s'occupe de ces formes-là prépubères, l'anorexie chez l'enfant. Et on a tendance à observer une augmentation de ces formes-là avec un sex ratio, une répartition fille-garçon un peu différente à ces âges-là et des présentations qui sont pas tout à fait identiques. Alors justement, parlez-moi aussi un peu de ce sex ratio parce que donc on dit que c'est une maladie, on l'a répété déjà, essentiellement féminine, mais il existe une anorexie mentale chez l'homme aussi. Est-ce que c'est le même type de pathologie, au même âge ? Est-ce qu'il y a une différence justement en symptomatologie ? Alors, il y a forcément des différences. C'est important de dire que les hommes souffrent aussi d'anorexie mentale, clairement, parce qu'il y a une stigmatisation. Hein, le fait de dire que c'est une pathologie féminine empêche probablement certains patients de solliciter des soins. Il est important qu'ils puissent solliciter des soins, solliciter de l'aide. Ça touche aussi les hommes. Est-ce qu'il y a des spécificités chez l'homme ? Alors, il y a plusieurs spécificités. Ce qui est clair, c'est qu'on manque d'études suffisamment puissante pour caractériser cette sous-population, simplement parce qu'on les voit très peu. Ils sont souvent exclus des études. Donc après, on peut décrire les symptomatologies. On sait que la tolérance physique, somatique, les complications de la dénutrition sont souvent moins bien tolérées chez l'homme. Donc on doit s'inquiéter plutôt sur le plan purement médical, somatique, physique. La symptomatologie en elle-même peut varier. On a notamment décrit des variations dans les types de préoccupations corporelles qui sont pas exactement les mêmes. On se préoccupe pas exactement des mêmes régions corporelles chez l'homme ou chez la femme, notamment sur les histoires de masse musculaire qu'on va retrouver beaucoup plus dans les formes masculines. Ceci dit, je pense que c'est assez et surtout important de retenir que les hommes peuvent souffrir, même si c'est plus rare, peuvent souffrir de cette maladie, qu'elle est potentiellement moins bien dépistée dans ces populations-là et donc moins bien prise en charge avec malheureusement les quelques études qu'on a qui montrent un pronostic moins bon dans les formes masculines, ce qui est assez préoccupant. Le sex ratio exact, vous l'avez en tête ? Ah bah là aussi, il a les mêmes, on a les mêmes limites. C'est probablement on est 9 femmes pour un homme. Mmh. On est probablement dans ces eaux-là. Il y a tout un débat sur savoir est-ce que les formes masculines sont plus fréquentes aujourd'hui. Très franchement, personne ne peut vous répondre de manière formelle là-dessus. Peut-être Salah El-Mestikaoui, sur l'épidémiologie en règle générale, est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez préciser ou ajouter à ce que vient de dire Philibert Durier ? Sur le sex ratio, moi j'aurais quelque chose à dire. Bien sûr. Donc nous, quand on a fait notre étude, c'était chez la souris. Et donc, évidemment, on s'est posé la question du sexe, de l'importance du sexe. Donc, on a doublé toutes nos expériences. On a fait des groupes de mâles et des groupes de femelles. Et à notre grande surprise, et on était honnêtement déçus, on a trouvé que les atteintes étaient les mêmes. Et la plupart des symptômes, effectivement, sont à peu près les mêmes. Il y a quelques variations sur la motivation qu'on a trouvées un peu plus fortes chez les mâles que chez les femelles. Mais le sexe ratio est de 50-50. Alors, je ne sais pas si ça suggère que, effectivement, chez l'humain, les mécanismes pourraient être identiques, mais chez l'homme, pourraient être, comme l'a dit très bien dit Philibert, pourraient être cachés socialement. Ou alors, c'est que les hommes, une partie d'entre eux, au lieu de prendre le chemin de l'anorexie, vont prendre d'autres chemins vers d'autres pathologies qui touchent les mêmes régions, comme l'addiction, etc., ou les troubles obsessionnels compulsifs. Mmh. Peut-être un mot aussi, parce que vous l'avez évoqué rapidement, Philibert Durrier, tout à l'heure, sur l'épidémiologie, donc entre 1, 3, peut-être 4% de la population. Vous disiez qu'on retrouve de l'anorexie dans toutes les cultures. Il n'y a pas finalement de saut de la culture occidentale, puisque c'est vrai qu'on lit beaucoup l'anorexie aussi à la représentation du corps féminin, à l'idéal de maigreur qui est très véhiculé par la société aujourd'hui consumériste occidentale. Est-ce que aujourd'hui on trouve de l'anorexie partout dans d'autres cultures? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, alors évidemment, ce que vous dites, reportez d'une idée un peu générale sur l'anorexie mentale qui est favorisée, notamment dans nos sociétés d'abondance où on se retrouve, nous humains, depuis peu dans l'évolution humaine, face à une société donc d'abondance où il faut contrôler notre comportement alimentaire. On a pléthore de choix et de diversité à notre disposition, et donc on est dans une position très complexe sur le plan métabolique et humain d'aller devoir contrôler notre alimentation. Donc ça, c'est une pression assez récente dans les sociétés d'abondance. Après, c'est clair, évidemment, qu'il y a un poids énorme de l'image, notamment l'image sociale de la femme, de l'idéal qui serait imposé par une représentation sociale d'un corps idéal de la femme, notamment à l'adolescence. C'est absolument certain que ça joue, et ça joue de manière importante. Par contre, on peut pas du tout dire que tous les cas sont exclusivement liés à ça. Et notamment, par exemple, on peut prendre des cultures variées, on peut aussi prendre en France l'évolution des cas qui ont été décrits en France. Il y a de très bonnes descriptions d'un psychiatre de la fin du 19e siècle, qui s'appelle Louis-Victor Marsay, qui est assez peu connu, mais qui décrit 3 cas d'anorexie mentale chez la jeune femme. Très intéressante. Les focalisations sont pas du tout corporelles. C'est des focalisations sur le tube digestif, le fonctionnement du tube digestif, avec une conviction que lui dit, à l'époque délirante, d'être atteint d'une maladie somatique, physique au niveau digestif, qui les empêche de s'alimenter. Donc, le discours du sujet est différent. Par contre, derrière, on voit un certain nombre de manifestations très semblables. Donc, il y a une manifestation des symptômes, un discours du sujet qui est différent. Mais derrière, il y a un substrat commun à travers les cultures, à travers les époques, ça c'est absolument certain. Si on regarde ces phases d'anorexie mentale, il faut préciser que la grande majorité des patients et des patientes qui en souffrent en guérissent, avec assistance souvent mais pas toujours. Les phases anorexiques durent entre 1 an et demi et 3 ans, c'est cela, Philibert Durrier, à peu près? Tout à fait, on est sur ce type de délai. Souvent, quand on accueille des patients en début de maladie, on leur explique notamment que les soins, si l'évolution est plutôt favorable, vont durer autour de 2 ans. Voilà. Après, évidemment, tout dépend de la précocité de la prise en charge. On prend en charge quelqu'un qui développe des symptômes depuis 3 mois versus quelqu'un qui prend en charge, qui évolue dans sa maladie depuis 10-15 ans, le pronostic sera pas le même. Bien sûr. Mais évidemment, il faut avoir ce discours-là, qui est un discours quand même positif, même si on a beaucoup d'humilité par rapport aux patients qui arrivent avec une grande souffrance sur ce qu'on peut leur proposer. On estime que plus de la moitié vont très bien s'en sortir. Et puis, il y a des formes plus ou moins sévères. Mmh. Et donc, il y a ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils s'en sortent plus ou moins spontanément, plus ou moins avec l'aide des proches, de la famille, du médecin généraliste, d'un psychologue. Et on n'aura pas ces données-là. Mais ils s'en sortent bien. Et finalement, alors évidemment, ils risquent, ils sont plus vulnérables, plus fragiles sur une possible rechute plus tard. Mais ce sont beaucoup de patients qui évoluent très, très bien ensuite et peuvent avoir une vie tout à fait normale, entre guillemets, en tout cas sans impact fonctionnel de leur alimentation et de leur image corporelle. Quel est là aussi le ratio des cas d'anorexie mentale sévère ou dite grave, c'est-à-dire qui nécessite des soins, souvent des hospitalisations, par rapport à une anorexie entre guillemets modérée, si tant est que ça ait un sens de le dire comme ça? On est probablement autour de 20%, c'est cet ordre de grandeur. Après, tout dépend de là où on met le cut-off, la limite de la sévérité. C'est d'ailleurs un travail qui est en cours en France, de savoir mieux s'entendre sur un consensus de la définition d'une forme sévère. Et derrière la forme de sévère, c'est aussi une forme résistante. Et la sévérité est pas quelque chose de facile à évaluer. Il y a évidemment le poids qui va faire quelque chose. Mais aujourd'hui, on n'est plus limité, notamment si on regarde le poids, au poids à l'instant T, mais la vitesse à laquelle la personne a perdu du poids, qui pourrait être un facteur de bon pronostic. La personne a perdu beaucoup en 3-4 mois, énormément de poids, mais va pouvoir récupérer très très bien, et au bout de 6 mois, 1 an, être totalement sortie d'affaire, quand d'autres vont perdre moins de poids, mais de manière plus insidieuse, plus progressive, et ça va être un peu plus difficile de les accompagner vers la rémission. Salal Mestikaoui, qu'est-ce qui justement définit selon vous une forme sévère ou une forme grave ? Qu'est-ce qui fait qu'une anorexie mentale devient résistante aux soins et que certaines patientes ont du mal et des difficultés à s'en sortir ? Alors justement, alors là on commence à toucher du doigt ce qui, enfin nous on estime être le moteur qui va driver la maladie. Il y a un aspect, dans l'intuition qui nous a conduit à travailler sur l'anorexie, pour moi, il y avait un aspect que c'était complètement pas naturel. C'est quand même quelque chose qui est depuis le début de l'existence de la moindre cellule, se nourrir et survivre, ça fait partie des mécanismes normaux. Donc c'est extrêmement étrange de se dénutrir et d'aller jusqu'à la mort comme ça. Donc on s'est mis à réfléchir à quel pouvait être le moteur qui conduisait à ça. Et donc, il y a quelque chose, c'est la perte de contrôle et la répétition d'une action malgré ses conséquences dévastatrices. Et quand on a dit cette phrase, on rejoint tout à coup tout un corpus de données qui sont relativement récentes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite description historique de ces concepts qui sont importants. Volontiers, je vous en prie. Donc cette notion de perte de contrôle et de quelque chose qui nous est imposé rejoint quelque chose qui s'appelle la compulsion, qu'on va retrouver dans les troubles obsessionnels compulsifs, qu'on va retrouver dans l'addiction, et qui, à notre avis, est une dimension importante de l'anorexie. Et donc, moi, je pense intuitivement, donc c'est pas encore complètement démontré, que c'est cette perte de contrôle, c'est cette prise du pouvoir par nos comportements automatiques, qui, quand il est trop puissant, et quand on n'arrive pas à reprendre le contrôle de notre comportement parce que l'automatisation est trop puissante, qui va conduire vers les formes les plus graves. Je précise qu'on va, dans la deuxième partie de cette émission, d'ici 5-10 minutes, évoquer justement non seulement vos travaux de recherche et puis toute la recherche qu'il peut y avoir, dans les raisons et dans les moteurs de l'anorexie mentale, que la recherche clinique pour essayer d'établir des traitements. Peut-être un mot, parce qu'on évoque, à propos de l'anorexie mentale, des facteurs qui sont des facteurs prédisposants et des facteurs qui sont des facteurs pérennisants. Quelle est la différence, Salal Mestikaoui, entre ces deux types de facteurs ? Fondamentalement, je pense que ça rejoint un peu ce qui a été dit plus tôt, c'est que ces maladies sont des maladies qui montrent très très bien l'interaction entre gènes et environnement. Donc il y a les études de jumeaux, je pense que Philibert en dira deux mots, montre que le poids génétique qui vient du hardware de l'individu est d'à peu près 50-60%, et que le poids environnemental est va être pareil de 40 à 50%. Donc ce qui est engrammé, c'est la structure du cerveau, les gènes dont vous avez hérité. Et ce qui est après plus flexible, c'est votre environnement et les conditions de vie que vous allez avoir. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Si, tout à fait. Philibert Durier, un mot là-dessus, justement, sur ce qui peut être des facteurs prédisposants. On peut toucher d'ores et déjà un mot de génétique, mais pas uniquement. Et qu'est-ce qu'on entend par facteur pérennisant, par ailleurs ? Voilà, mes deux questions. Ah oui, pérennisant. Alors, les différences, c'est un peu comme lisez le reportage de 1961 là, sur la marche anorexique. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un terrain. Et puis il y a des événements, parfois évidemment liés directement à une souffrance, à un stress, ça peut être un traumatisme par exemple, mais ça peut être toutes sortes d'événements stressants pour l'organisme, par exemple une méningite avec une perte de poids importante, tout ça va tout d'un coup être le facteur déclenchant sur un terrain favorable, une prédisposition, et là je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être tout à l'heure, notamment avec ce poids génétique, le terrain est génétique et métabolique, un métabolisme particulier, singulier, qui fait que le comportement, d'un point de vue métabolique, va pouvoir se maintenir. Après, évidemment, qu'est-ce qui va faire que certains sujets vont vraiment évoluer vers une maladie qui forcément obéit à des mécanismes de chronicité, s'installent dans le temps, donc des mécanismes qui vont perpétuer le trouble. Cette transition-là est très très intéressante à étudier. C'est notamment l'histoire du papier de la collaboration avec Salah El-Mestikaoui et de tout un corpus de littérature scientifique très récent sur la place. Comment justement cette prédisposition génétique nous éclaire sur le comportement du sujet, qu'est-ce qui va permettre le développement d'un comportement pathologique et arriver à un moment donné à ce que décrit très bien Salah El-Mestikaoui sur cette perte de contrôle, cette illusion extraordinaire de contrôle initial qui est très valorisante, très excitante si j'ose le mot, et qui va aboutir à un moment donné, d'abord les proches, puis le sujet lui-même, à cette prise de conscience douloureuse que la maladie a pris le contrôle, que les comportements sont devenus compulsifs et qu'il n'y a plus rien de récompensant, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort qui est en place. Mais pour cette marche anorexique, il faut un terrain métabolique prédisposant très probablement. Et c'est évidemment ce dont on va reparler dans quelques minutes maintenant. J'aimerais juste deux derniers mots rapidement sur ce tableau clinique de la maladie, Philibert Durier. Tout d'abord pour dire que il n'y a pas de gène de l'anorexie, mais on a un corpus de gènes sur lesquels on trouve des mutations qui peuvent prédisposer à le développer. Tout à fait. Là, clairement, c'est polygénique. C'est un ensemble de gènes, de variants de gènes, qui ne diront jamais si quelqu'un va développer à 100% la maladie ou être totalement protégé. Évidemment pas. Mais par contre, ces facteurs-là, et vous parlez tout à l'heure de résistance, peuvent aussi nous aider à comprendre les mécanismes de résistance. Pourquoi un patient, après 5 ans, 6 ans, 10 ans de soins, et parfois plusieurs années passées à l'hôpital pour les formes les plus sévères, ne parvient toujours pas à surmonter cette maladie, malgré ce qu'on essaye de mettre en place? Probablement, une petite partie de cette résistance est expliquée par la génétique. Et une dernière question sur la mortalité. Quel est le taux de mortalité de l'anorexie mentale que l'on constate en clinique et quelles en sont les causes? Alors la mortalité, c'est on estime autour de 10%. Là, on est en train d'analyser avec le professeur Jolan ici à Sainte-Anne la mortalité nationale en France sur une population adolescente et jeune adulte. Alors évidemment, la question de la mortalité, c'est compliqué parce qu'il faut un recul suffisant pour savoir. Là, on a un recul de 3 ans et on estime que le risque comparé aux adolescents du même âge et du même sexe, le risque à 3 ans de mortalité est multiplié par 10. Ce qui est majeur dans cette population, avec un suivi de 3 ans. Donc évidemment, ce serait mieux d'avoir un suivi de 10 ans, 20 ans, 30 ans. On a très peu d'études de ce type-là, mais la mortalité est élevée. Et deux causes principalement, évidemment la dénutrition, la perte de poids sévère, les problèmes de rythme cardiaque, etc. Et malheureusement, toute la souffrance psychique qui s'associe à des conduites suicidaires. Et le risque suicidaire est malheureusement très élevé dans cette pathologie-là. On va évoquer maintenant les travaux, notamment de Salah El-Mestikaoui, dont on parle depuis le début, et ses pistes assez passionnantes sur le fonctionnement cérébral, et puis tous les travaux de recherche, qu'il s'agisse de la génétique, mais aussi de la recherche clinique. Ce sera dans quelques instants la deuxième partie de l'émission. Whispering in the Wind à 16h35 du groupe Fidji sur France Culture, toujours en soutien à la scène musicale indépendante française. Nous parlons de l'anorexie mentale aujourd'hui en compagnie de Philibert Durier, qui est psychiatre, chef de clinique à la clinique des maladies mentales et de l'encéphale à l'hôpital Sainte-Anne et chercheur au sein de l'équipe INSERM Vulnérabilité génétique aux comportements addictifs, et Salah El Mestikawi, qui est directeur de recherche CNRS, professeur à l'université McGill de Montréal et chercheur au centre de recherche de l'hôpital Douglas. Nous allons donc, comme je vous le disais, nous intéresser à la recherche sur l'anorexie mentale et notamment à cette étude que nous évoquons depuis le début de cette émission et que vous avez d'ailleurs partiellement pilotée, Salah El Mestikawi. Comme je le disais, l'une des originalités de ces travaux, c'est qu'ils associent recherche fondamentale d'une part et recherche clinique de l'autre, et c'est au plan clinique que vous êtes intéressé. Antoine Beauchamp, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me suis rendu au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences de Sainte-Anne pour comprendre en quoi consistait le volet clinique de ce travail de recherche sur l'anorexie mentale. Philippe Gorwood est professeur de psychiatrie à l'Université de Paris et responsable de la clinique des maladies mentales et de l'encéphale, la CMME, à l'hôpital Sainte-Anne. Il nous explique en quoi ont consisté les tests neurocognitifs menés avec les personnes atteintes d'anorexie mentale dans le cadre de cette étude et en quoi ces résultats ouvrent des pistes intéressantes pour la mise au point de nouvelles approches thérapeutiques permettant de traiter l'anorexie mentale. Notre espèce de vision globale pour essayer de donner un sens à cette pathologie, qui reste assez étonnante, hein, pourquoi est-ce qu'on continue à maigrir alors qu'on sait qu'on risque de mourir, c'est que probablement il y a derrière, non pas une crainte phobique de la prise de poids, ce qui est souvent comme ça, qui est représenté l'anorexie mentale, mais à l'inverse, même si finalement c'est un peu l'autre facette de la même pièce, un effet renforçateur de ce perte de poids. Donc, que le cerveau crée un message qui vient renforcer une attitude. La raison vous dit qu'elle n'est pas bonne, puisque vous risquez de mourir, mais les signaux internes de renforcement de ce comportement sont tellement puissants qu'ils viennent écraser la dangerosité qui y est associée. Vous avez mis en place ici, en clinique, un test neuropsychologique concernant des patients et des patientes atteintes d'anorexie mentale. En quoi consistait ce test neuropsychologique qui a été intégré au protocole de cette étude ? Alors c'est un test en fait effectivement neurocognitif qui cherche à percevoir quelles sont les bases du choix comportemental que vous faites. On propose en général des propositions de résultats et on voit si les sujets choisissent A ou B et on essaie de comprendre ce qui est à la base de cette décision. Pourquoi dans cet aspect-là ? Pour une bonne raison, c'est ce qui drive nos choix sont effet des récompenses attendues. Et dans ce registre-là, le test neurocognitif qu'on a utilisé est assez particulier dans le sens qu'il arrive à décliner deux aspects dans l'effet du renforcement. Le premier, c'est est-ce que je suis capable de repérer l'effet renforçateur et donc de prendre la décision qui me permet de dire que c'est, je vais gagner en gros dans une sorte de jeu. Cet aspect-là, il est assez connu, il y avait déjà des tests, c'est pas tout à fait nouveau. L'autre aspect qui nous intéressait beaucoup plus ici, c'est justement ce découplage avec la réalité du renforcement qui, dans l'anorexie mentale, devient nul, puisque finalement, il n'y a plus de bénéfices. Au contraire, il n'y a que des risques. Et ça, c'est une espèce de procédure d'automatisation de l'acquisition de l'effet récompense. C'est-à-dire que finalement, l'effet récompense qu'on a acquis par apprentissage nous amène à être tellement organisé dans un rituel, dans une répétition de ses choix, qui laisse plus de place pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. Et ça, c'est cet aspect pour nous essentiel dans l'anorexie mentale, qui est le moment où ce qui est organisé autour d'un effet de récompense, je me sens soulagé d'avoir perdu un peu de poids parce que c'est moi qui maîtrise ma vie et mon corps. Et bien cet aspect-là, à un moment, il est tellement répété qu'il devient inéluctable. Il laisse plus de place aux messages qui ne sont plus renforçateurs, mais au contraire punisseurs. C'est-à-dire qu'en gros, ils viennent vraiment dire qu'il faudrait arrêter cela. Et cette automatisation de la procédure, le fait que ce soit tellement inscrit dans le temps, dans l'habitude, dans l'apprentissage, c'est un effet récompense qui devient une habitude et plus un choix renforcé. Et ce passage de l'un à l'autre, c'est ce qu'on a essayé de représenter avec ce test neurocognitif, où dans la deuxième partie du test, on va apprendre une nouvelle tâche, mais on va garder engrammées les premières. Et nos patientes anorexiques, qui sont connues pour justement beaucoup de compétences hein, dans ces capacités-là, elles vont en fait continuer à utiliser la première source qui n'est plus appropriée dans la deuxième et qui pourtant devrait être switchée vers la deuxième. Et donc cette balance entre l'habitude et l'effet renforçateur immédiat, il est très bien mesuré dans ce test où normalement, la bonne solution, c'est je prends tout ce qui est récompense au départ et quand les procédures changent, je vais abandonner mes stratégies initiales pour prendre la suivante. Et on arrive à repérer des patients qui finalement continuent à utiliser le paradigme initial, hein, les règles qu'on a données au début du jeu, parce qu'en fait, ils ont du mal à changer de modalité d'effet récompense. Et ils conservent ces habitudes qui sont pour nous une des voies d'explication de l'anorexie mentale. Alors, quelle perspective ces résultats-là ouvrent pour la suite des recherches sur l'anorexie mentale et notamment dans les recherches sur un traitement médicamenteux de cette pathologie? Alors, cette organisation, cette fois-ci mieux incarnée au niveau neurocognitif, hein, c'est-à-dire comment le cerveau fonctionne entre le passage d'habitude, le passage d'apprentissage par les récompenses jusqu'aux habitudes, il correspond aussi assez bien avec ce qu'on arrive à comprendre au niveau neurobiologique. Effectivement, le cerveau est une machine à apprendre. Il va repérer ce qui le gratifie et par la suite, il a besoin d'avoir des habitudes. Je vais faire attention en conduisant parce que j'ai bien la sensation que c'est ça qui va me permettre d'arriver jusqu'à terme. J'ai pas besoin de me dire c'est fabuleux, je vais y gagner. On a inclus ça dans les habitudes. Et donc, comme on a une boucle et une régulation neurologique de ces circuits-là dans le cerveau, les faire correspondre avec ce que nous observons au niveau neurocognitif est particulièrement riche dans la compréhension. Et en dehors de cette richesse d'explication holistique de l'anorexie mentale, il a aussi l'avantage de pointer des cibles possibles qui sont pharmacologiques, mais aussi psychothérapeutiques. Hein, parce que dans les psychothérapies, il y a aussi ce qu'on appelle la remédiation cognitive, où on essaie de voir comment le sujet a tendance à traiter l'information, lui pointer du doigt les avantages et les inconvénients pour que lui-même modifie cette organisation, cette analyse et notamment ses décisions au décours. Et après, on a ces aspects plutôt là pharmacologiques, puisque quand les choses sont tellement inscrites dans le temps, c'est difficile à faire bouger. Et justement, on a quelques traitements, notamment dans les traitements à la base de la démence qui n'ont rien à voir, mais qui sont ces familles de anti-acétylcholinestérasiques. C'est un grand nom, mais c'est juste pour dire que ça modifie en fait le taux d'acétylcholine, hein, et notamment de l'enzyme qui la dégrade. Eh bien, on peut du coup modifier un des acteurs essentiels dans l'apprentissage qui est la dopamine. Et dans ce passage de la récompense à l'habitude, on pense que ça a un rôle assez essentiel et qu'ainsi, on pourrait favoriser un changement d'organisation qui serait alors moins délétère. Voilà le volet clinique de cette recherche assez passionnante, il faut bien l'avouer, autour de l'anorexie mentale. Je vais vous laisser peut-être qu'on peut remonter à la recherche fondamentale qui est derrière ça, il y a vos travaux, Salah El-Mestikaoui. Comment est-ce que vous avez abouti justement à ce volet clinique à travers les travaux et les expériences que vous avez menées sur les modèles murins? Alors, d'abord, merci pour ce reportage que... Même pour moi, c'est absolument délicieux. Moi, je travaille sur la souris, sur le cerveau, sur la neurotransmission. Donc, d'entendre le discours de Philippe Gorwood, les mots mis sur ce que c'est que la clinique et les patients, c'est absolument passionnant. Donc, je suis extrêmement reconnaissant à l'équipe Gorwood et à Philibert d'avoir accepté de collaborer avec nous et d'avoir cette complémentarité entre une recherche fondamentale et une recherche clinique. Alors maintenant, ce que dit Philippe, je vais le reformaliser avec des mots d'un neuroscientifique. Donc tout part dans les années 80, hein, ça fait maintenant une quarantaine d'années, d'une recherche sur l'animal. Et en fait, ce qui motive cette recherche, c'est que on s'est bien rendu compte que dans le cas de l'addiction, parce que c'est ça qui drive un peu tout, on va faire et refaire des actions malgré les conséquences négatives. Donc l'aspect qui intrigue les chercheurs qui démarrent ce projet, c'est malgré les conséquences négatives, malgré les punitions, etc., comme le professeur Gorwood vient de le décrire. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des rats, c'est des rats. Ces auteurs s'appellent Dickinson, Adams, j'en oublie certains. Bon, ça démarre à Cambridge, hein, le groupe de Cambridge est très en pointe là-dessus. Et donc, mettre des rats dans des boîtes de conditionnement opérant, c'est une boîte où quand la lumière s'allume, le rat sait qu'il peut appuyer sur un levier, il obtiendra une récompense. Donc, on regarde l'apprentissage. Hein, c'est une cour d'apprentissage normale. J'apprends que si j'appuie sur un levier, je vais obtenir quelque chose. Donc, une fois que l'apprentissage et que les performances sont stables, ce qui vient en quelques jours, ils vont dévaluer la récompense au départ. Donc ils vont associer la récompense, c'est pas avec un choc électrique. Je pense que dans les travaux initiaux, ils utilisent le lithium, c'est-à-dire que ils donnent quelque chose qui va rendre l'animal, il va obtenir sa récompense, mais en même temps il va être malade, il va vomir, etc. Donc le chlorure de lithium provoque ça. Et donc c'est une façon de dévaloriser la récompense. Par la suite, on a utilisé d'autres façons de dévaloriser la récompense qui sont si je vous en donne une quantité, et si l'aura a été pré-nourri avec sa récompense et qu'on le met dans la boîte, il aura en théorie plus envie d'aller chercher cette récompense. Donc cette dévaluation, c'est important, va entraîner une diminution des performances. Ok. Donc dans une première partie, il y a ce qu'on appelle un comportement de type stimulus-réponse. La lumière s'allume, je vais chercher ma cacahuète. Et ensuite, je vais découvrir que non, ça marche pas. Donc là, je suis dans un modèle qui est réponse et conséquence. Ok. Donc ça, c'est dans les conditions normales. Alors, ce qui a vraiment intrigué ces chercheurs et qui a été vraiment un coup de génie, c'était de remarquer que si on surentraîne les animaux, alors on peut les surentraîner en faisant que ils ne savent plus très bien quand ils doivent appuyer sur le levier parce qu'on a changé les règles. C'est pas j'appuie une fois, j'ai une récompense. C'est je sais pas quand le levier est actif. Donc ce que je fais, c'est qu'au lieu d'appuyer une fois, j'appuie en permanence pendant la session. Ça dure une heure. Et pendant cette heure, le rat ou la souris vont appuyer 1000 ou 3000 fois. Là où ils appuient avant 100 fois. Donc tout à coup, ça devient une espèce de comportement automatique. Et à ce moment-là, si vous dévalorisez la récompense après un entraînement forcé, vous vous rendez compte que certains animaux, pas tous, vont continuer, c'est exactement ce que décrit Philippe Goroud avec les patientes, vont continuer parce qu'ils sont prisonniers dans cette espèce de comportement automatique, vont continuer à appuyer pour obtenir la récompense malgré sa dévalorisation. Donc ça, c'est la base conceptuelle chez l'animal. De cette recherche qui a conduit après à ce qui a été fait, c'est dans les années 2000 à peu près, on a cherché quelles étaient les parties du cerveau qui étaient impliquées dans ce type de comportement, ce type d'apprentissage, et on se rend compte avec des études de liaison que ça implique une structure qu'on appelle le striatum, dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler. C'est la structure qui est impliquée dans la maladie de Parkinson. La partie basse de cette structure, qu'on appelle aussi le noyau accumbens, c'est impliqué dans l'addiction. On appelait ça aussi le centre de la récompense. Je sais que vous avez fait des émissions là-dessus. Absolument, on avait fait une émission sur les comportements addictifs. On peut vous remettre d'ailleurs le lien sur le fil Twitter de l'émission. Je vous en prie, je vous laisse continuer. Oui, et donc voilà, il dégage comme ça de ce striatum se dégage dans ce type d'action trois régions. Une première région qui est le centre de la récompense, donc la partie ventrale, le noyau accumbens, qu'on appelle à tort d'ailleurs le centre de la récompense. Je pourrais en dire deux mots plus tard éventuellement. Ensuite, on remonte vers une région qui est le noyau caudé. C'est trois morceaux de la même région, de la même structure. Donc le noyau codé qui lui fait les actions dirigées vers l'obtention d'une récompense. En anglais on dit goal directed behavior, les actions dirigées par un but. C'est les actions conscientes les actions conscientes. Voilà. On cherche à obtenir quelque chose. Par exemple, je veux apprendre à conduire. Il donne l'exemple de la conduite, il est très bon. Je veux apprendre à conduire et voilà, il y a un dialogue entre mon centre de la récompense et ce fameux noyau codé. Sauf qu'on sait tous que quand on conduit une voiture, par exemple au début, c'est difficile, c'est fatigant, etc. Mais si on répète l'apprentissage, au bout d'un mois ou deux, on va conduire tranquillement sa voiture dans Paris, au milieu des embouteillages, avec les sens interdits, des piétons partout, des risques de prendre des amendes, etc. Et vous avez sans doute été ce matin au travail, dans votre voiture, sans même vous rendre compte que vous avez été au travail, parce que vous avez pensé à autre chose pendant. Et là, c'est vraiment un témoignage de l'automatisation du comportement. Cette automatisation, ça se fait par une bascule vers le troisième larron qui s'appelle le putamen. Donc, il y a le codé, le putamen et le noyau accumbens. C'est les trois morceaux du striatum qui sont impliqués. Donc, ce putamen fait que vous allez conduire de façon automatique. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus reposant, ça demande moins d'énergie. En plus de ça, ça vous permet, pendant que vous conduisez, de penser à autre chose, donc de préparer la suite de votre action ou éventuellement d'améliorer dans un cas d'apprentissage. Par exemple, si vous apprenez une poésie, au début c'est pénible, vous la connaissez, vous la récitez, et après vous allez commencer à la réciter peut-être en mettant des intonations, etc. C'est l'automatisation qui permet ça. Donc c'est cet ensemble de structures joue un rôle très important dans l'évolution. C'est quelque chose qui existe très tôt, en tout cas chez tous les mammifères, également chez les oiseaux, les poissons, etc. C'est clé pour la plupart de nos choix dans le mode qu'on va utiliser pour faire des actions. Voilà, alors le problème... quand est-ce que ça devient pathologique? Quand est-ce que ça rejoint l'addiction? Quand est-ce que ça rejoint l'addiction et puis, la compulsion? Et le lien justement ensuite avec évidemment les travaux autour de l'anorexie mentale. Oui, oui, j'y viens là. Donc, quand est-ce que ça devient pathologique? Ça devient pathologique quand, dans une situation normale, donc vous conduisez votre voiture, vous êtes en mode automatique et tout à coup surgit, je ne sais pas, des travaux, un embouteillage ou des problèmes quelconques. Donc là, vous reprenez contrôle, vous repassez en mode conscient. Mais imaginez maintenant que soit l'automatisation est beaucoup trop forte et vous avez du mal à revenir, ou simplement le retour vers la prise de contrôle, vers ce noyau codé qui fait les actions conscientes, et se passe moins bien. Ben, à ce moment-là, vous allez basculer dans la pathologie. Et vous allez avoir du mal à reprendre le contrôle. Et vous allez répéter une action malgré des conséquences négatives. Alors ça nous concerne tous au niveau de notre vie quotidienne. Hein. On voit bien que le petit verre de vin, la cigarette, la quantité de nourriture que je mets dans mon assiette, le fait que je fais pas de sport, que je regarde trop la télé, que je passe trop de temps sur Facebook, ça participe à ce genre de circuit. Mais c'est pas pathologique. Par contre, si vous choisissez au début de l'histoire, ce qui est valorisant, c'est de vous amener vers la minceur, et que vous enclenchez ce genre de processus dont vous perdez le contrôle, et là vous aboutissez dans la pathologie. Voilà, donc ça c'est les concepts qui sous-tendent le travail qu'on a fait. Ce que je pourrais dire peut-être un petit mot de plus. Alors Philippe Broad a évoqué deux neurotransmetteurs qui sont des systèmes de régulation de cet ensemble du striatum. Il y a d'une part l'acétylcholine sur laquelle nous on a travaillé, et il y a d'autre part cette clé qui filtre vraiment l'intensité des actions dans cette région, qui s'appelle la dopamine, dont vous avez beaucoup entendu parler aussi. C'est pareil, c'est Parkinson, c'est l'addiction, etc. Donc nous, ce qu'on a trouvé, c'est que quand on perturbait la transmission par l'acétylcholine, on déclenchait un déséquilibre de la transmission dopaminergique dans le striatum. Et on pense que, alors c'est là où notre étude fait vraiment faire un pas à la compréhension de la maladie, c'est qu'on pense que l'anorexie pourrait être due à un excès de dopamine dans cette région que je vous ai décrite, qui s'appelle le putamen et qui fait les automatisations. Ou alors, en tout cas, un excès relatif. Ça pourrait être, soit ça peut être une baisse dans la première partie, donc qui fait les actions conscientes en recherche d'une récompense, soit un excès de dopamine dans la région qui fait l'automatisation. Et ça va créer une difficulté à reprendre le contrôle malgré les conséquences négatives. Et je précise pour nos auditrices et nos auditeurs qu'on vient de poster justement un petit schéma du striatum qui permet de voir et d'expliquer graphiquement ce que vous venez de nous expliquer brillamment, Salah El-Mestikaoui, à savoir la différence entre un comportement normal et un comportement pathologique et addictif. Peut-être un mot, Philibert Durier, sur, puisque on a maintenant vu un peu, regardé sous le capot et vu la mécanique neurologique de ces comportements qui deviennent des comportements dont on perd le contrôle et qui sont évidemment en lien avec l'habitude et avec l'addiction, et comment est-ce que, eh bien, à partir de ces travaux-là, on le décline sur de la recherche clinique, comme l'expliquait tout à l'heure Philippe Gorwood, mais vous pouvez peut-être réagir à ce reportage et nous en dire un mot. Tout à fait, là vous avez une présentation finalement assez courte, même si c'est assez long, sur des structures très complexes, mais très très importantes sur les comportements, et évidemment ça nous parle immédiatement chez nos patients qui décrivent cette perte de contrôle et cette compulsion et cette transition au début. En tout cas, pour un certain nombre, il y avait un but, éviter une douleur ou aller chercher la récompense de la maigreur, etc. Puis à un moment donné, ça bascule. Et quand on va soigner les patients, on va chercher à faire le chemin inverse, accompagner le patient dans le chemin inverse. Et c'est là qu'on arrive à des difficultés. Alors, le striatum, il y a plein d'autres études qui, ces dernières années, notamment en imagerie cérébrale, qui vont incriminer cette activité atypique, particulière du striatum dans certaines tâches. Image de maigreur, choix alimentaire, il y a beaucoup d'études là-dessus, c'est très intéressant et ça bouge beaucoup sur la compréhension. Nous-mêmes, on cherche à moduler ces structures-là, notamment le noyau Acobins, ce hub de la récompense qu'a décrit Salah El-Mestikaoui. notamment par des techniques de neuromodulation. On fait maintenant, on propose et on va de plus en plus proposer, on a un protocole qui démarre de neuromodulation des noyaux gris centraux sur ces structures-là. C'est-à-dire la neuromodulation, en quoi ça consiste ? Là, en l'occurrence, nous, ce qu'on développe ici à Sainte-Anne, ça va être la stimulation cérébrale profonde. On va aller vraiment cibler très précisément, en implantant une électrode, certaines régions du cerveau et moduler l'activité. Il y a un protocole qui démarre, on a déjà implanté des patients pour aller moduler cette activité et cette bascule-là. D'un point de vue un peu macro, on va stimuler une région. Ce qui est très intéressant dans les travaux qu'on a pu entreprendre, puis ces travaux précliniques qu'ont fait Mathieu Favier, Salah El-Mestikaoui et collaborateurs, c'est d'aller identifier encore plus précisément à l'échelle des neurotransmetteurs des cibles. Donc on a des cibles macro sur des niveaux d'activation de réseau, et puis on a des cibles beaucoup plus fines sur des neurotransmetteurs. Et ce qui est absolument excitant, évidemment, vous aviez raison de dire en introduction de votre émission qu'il faut être très prudent là-dessus, mais c'est une vraie piste de recherche et c'est très excitant pour nous parce qu'on fait face à des patients en grande souffrance et on veut leur apporter des solutions et développer des solutions pour améliorer les soins. Et bien évidemment, cette acétylcholine, on la connaît en médecine. Et on la connaît bien, notamment dans les démences, la maladie d'Alzheimer, etc. Donc, il y a tout un travail qui a été fait par les chercheurs, par l'industrie, etc., pour développer des molécules, pour cibler ça. Donc ça, c'est absolument génial. Donc on a des molécules pour aller cibler ce neurotransmetteur. Et ça, c'est super. Alors, deux choses tout de même, Philippe Berdurier. Ce dont vous parlez, c'est-à-dire les techniques de stimulation cérébrale profonde, c'est une technique très invasive. J'imagine que c'est réservé aux cas les plus sévères et qui sont résistants au traitement. Oui, pour le moment, c'est évidemment réservé à ça. On a une cinquantaine de cas publiés dans le monde. C'est à l'échelle de recherche. Ça fait une dizaine d'années que c'est développé. Alors après, de dire que c'est très invasif, je vous suivrai pas là-dessus. Je dirais que c'est mini-invasif. Mmh. Il faut rappeler que c'est des pathologies particulièrement graves, potentiellement, évidemment, pas tout le monde. Hein, mais certains patients sont dans des formes très sévères d'anorexie mentale. C'est pas juste un caprice de quelqu'un qui veut perdre du poids. Hein. C'est des maladies potentiellement graves et mortelles. Dans d'autres pathologies, si vous voulez, peut-être que là on est en psychiatrie, donc on perd un peu ces réflexes-là, mais dans d'autres maladies, ben oui, on recourt à la chirurgie, on recourt à des traitements avec un certain nombre de gestes invasifs. Nous, on parle de gestes plutôt mini-invasifs. Alors, évidemment, c'est invasif. Alors, quand on compare à la remédiation cognitive, aux psychothérapies, on est évidemment plus invasif. Mais dans le champ de la médecine, allez, c'est là qu'on change un peu nos approches. On va stimuler des régions, on va essayer de mieux comprendre les mécanismes. C'est pas si invasif que ça. Après, si ce traitement et le développement de cette piste de recherche nous permet d'avoir une molécule qui serait la première à démontrer un intérêt dans cette pathologie-là, un psychotrope qui serait la première, qui en plus, a priori, parce qu'il y a des milliers de patients qui ont reçu, des centaines de milliers de patients qui ont reçu ces traitements, et plutôt bien tolérés, si ça pouvait nous aider à apporter comme une béquille, c'est ce qu'on explique aux patients, ça, c'est quelque chose, un coup de pouce pour aider cette transition vers la reprise du contrôle, ce serait formidable. Cette molécule, c'est celle dont parlait Philippe Gorwood, c'est-à-dire le donépézil, c'est un médicament inhibiteur de l'acétylcholine esterase. Voilà, inhibiteur de la dégradation. Mais pour le moment, il faut là aussi préciser que cet inhibiteur d'acétylcholine, il est en période d'essai et ça n'est pas encore un médicament que l'on administre dans les cas d'anorexie grave. Tout à fait, c'est à l'échelle d'essai et là, on est en train de faire les dépôts de demande d'autorisation et le GHU Paris, notre département de recherche, la DRCI, soutient cette étude-là et donc j'espère qu'on va pouvoir le proposer et qu'on aura d'ici, j'espère, 2 ans, des premiers éléments de réponse. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je voudrais juste dire un dernier mot à propos, voilà, une ligne de téléphone qui est ouverte, qui a été postée sur Twitter par le compte de la FFAB, qui est la Fédération Française, il va falloir m'aider sur le AB. Anorexie-boulimie, voilà ça. Voilà, 08 10 03 70 37, qui est une ligne d'écoute que vous pouvez utiliser si vous avez des questions, des doutes ou quelqu'un dans votre famille qui a peut-être besoin d'aide. Voilà, on vous la poste. C'est anonyme et on vous la reposte sur notre fil Twitter. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Salah El-Mestikaoui. Merci Philippe Durier d'avoir été en notre compagnie pour parler d'anorexie mentale tout au long de cette heure. Merci comme chaque jour à toute la formidable équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lozen, Dominique Guette Saint-Vulfran, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Ludovic Auger et Guillaume Leplège à la technique. Demain, nous allons partir à un tout autre endroit et très très loin dans l'espace profond en quête des FRB, les Fast Radio Burst, les sursauts radio rapides, ces signaux mystérieux venus du fin fond du cosmos dont il semblerait que l'on commence à percer l'origine. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.